La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Il est 15h17, heure de Houston aux États-Unis, lorsque le 20 juillet 69, deux Homo sapiens en combinaison d'astronautes se posent sur la Lune. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ont donc été les premiers dans l'histoire de l'humanité à fouler le sol poussiéreux de la Lune et l'on fête donc cette année le 50e anniversaire de cet événement, suivi à l'époque en direct par la planète entière. De nombreuses célébrations vont avoir lieu dans les prochains jours pour revivre le voyage de cette mission Apollo 11 et cet après-midi dans la tête au carré avec mes invités. Nous allons revenir sur l'événement pour comprendre ce que ce premier pas lunaire a changé justement pour notre humanité et pourquoi la Lune est à nouveau, 50 ans plus tard, redevenue un objet d'intérêt. On en parle donc dans un instant et vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos questions et peut-être même vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et nous irons également avec vous sur la Lune, dans la Une de la Science dans un instant. Oui, avec le projet On the Moon Again, un rendez-vous à prendre avec les passionnés d'observation. On vous explique dans un instant. Et c'est Nathalie Poitevin qui réalise cette semaine cette émission, préparée aujourd'hui par Irène Mounaem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Les 50 ans du premier pas sur la Lune, anniversaire donc de cet événement dans quelques jours. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui l'historien des sciences et théologien Jacques Arnoux et Alain Sirou, le directeur général de l'Association française d'astronomie et directeur de la revue Ciel et Espace. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alain Sirou, vous publiez avec Jean-Philippe Ballas ce livre « Les hommes de la Lune » aux éditions du Seuil. Ils ont été très peu à fouler le sol lunaire, mais on se souvient en réalité quasiment que de Buzz Aldrin et Neil Armstrong, qu'il faudrait d'ailleurs citer plutôt en premier, ils ont volé la vedette à tous ceux qui ont suivi finalement, non ? Oui, absolument, vous avez raison. Ouais. En plus, ce sont ceux qui sont restés le moins longtemps sur la Lune, parce que il y a 12 hommes qui ont foulé le sol lunaire. Les missions les plus importantes ont été les dernières, où les hommes sont restés 3 jours sur la Lune, alors que Armstrong et Aldrin sont restés pratiquement 2 heures, vraiment au maximum sur le sol et moins d'une journée à la surface de la Lune. Ouais, 21 juillet 69 donc en France, et Alain Sirou, vous aviez 10 ans à ce moment-là, et ça a été un moment aussi très important à titre personnel pour vous. Oui, parce que mes parents avaient acheté la télévision pour qu'on voit l'homme marcher sur la Lune, et c'était quand même deux événements extraordinaires, c'est-à-dire la télé qui arrivait dans les foyers, qui était cette boîte noire et blanc qui nous permettait de rentrer en contact avec le futur. Je rappelle que l'an 2000 était lointain, c'était appelé le futur. Et puis ce mois de juillet où on voyait la Lune dans le ciel, et en tant que môme, on était en vacances, et c'était extraordinaire le ping-pong entre voir la Lune dans le ciel et voir les hommes qui étaient sur la Lune dans le poste. Et ça, c'est vrai que moi, je me suis dit à ce moment-là, non pas que j'allais marcher sur la Lune, mais que j'allais aller les voir, que j'allais leur poser la question pour qu'il me raconte comment c'était. Et j'ai eu la chance, le bonheur de le faire et qu'il me réponde. Ouais, votre vocation de journaliste est peut-être née à ce moment-là. Jacques Arnoux, historien des sciences donc et théologien chargé des questions éthiques au CNES. Et cet ouvrage, La Lune m'a dit, aux éditions du Cerf. Qu'est-ce qu'elle nous a dit d'ailleurs depuis 50 ans finalement ? Elle nous a dit de nous regarder. Regardez-vous d'abord, vous les terriens, parce que moi, la Lune, je suis belle, mais souvenez-vous que dans toute l'histoire de l'humanité, la Lune a d'abord été un miroir. Elle était là, dans nos nuits, comme un miroir, au fond, lisse, polie, superbe. Ce n'est que après, avec Galilée, qu'on a découvert qu'elle n'était pas si lisse que ça. Mais elle est restée un miroir pour nous. Et finalement, les missions Apollo nous ont offert cette leçon-là. Elle est restée un miroir. Et quand nous allons sur la Lune, puisque nous nous sommes appropriés, ces 12 hommes, quand ils sont rentrés sur Terre. Ils représentent toute l'humanité. Mais exactement. Ils ont été très surpris, d'ailleurs, de rencontrer des gens qui disent, nous sommes allés sur la Lune. Voilà. Nous nous sommes retrouvés, nous les terriens, sur notre bonne vieille Terre. Ouais, vous étiez un petit peu plus jeune qu'Alain Sirou, le 20 juillet 69, il faut quand même préciser les choses. Bien sûr, à cette distance-là, j'avais 8 ans. C'est quoi votre souvenir à vous, Jacques Arnoux, à ce moment-là ? Moi, sans doute un souvenir un peu construit, c'est-à-dire que, oui, j'étais devant cette télévision en noir et blanc, ces petites taches blanches, peut-être aussi quelques souvenirs acoustiques, les grandes difficultés que vos collègues de l'époque avaient à communiquer à Paris, entre peut-être la Sorbonne, quel était le lieu où il y avait des journalistes scientifiques, je me souviens encore de la voix, Palais de la Découverte peut-être, et puis et Cognac G, n'est-ce pas, alors des communications extrêmement mauvaises, et en même temps on recevait des communications de la Lune, on se dit quand même il y a encore du boulot, mais plus un souvenir de l'ambiance. Durant tout cet été, je me souviens avoir quand même rempli beaucoup de cahiers avec des dessins de fusées, des vagues. Mais voilà, c'était ça, quoi. C'était vraiment quelque chose qui, me semble-t-il, ont passionné les petits garçons de l'époque. Ouais. Et des petites filles aussi, certainement. Sans doute. Si aucune femme, malheureusement, n'a marché pour le moment sur la Lune. Allez, on se retrouve dans un instant pour en discuter. Vous répondrez aux messages et peut-être même aux témoignages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un télescope. Est-ce que tu veux regarder la Lune ? Vous voulez jeter un coup d'œil à la Lune ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la Lune. Et je regarde où ? Il faut regarder par ici. Oh, Wendy. Oh my God. Voilà un extrait du film New View of the Moon pour parler d'un joli projet de science participative à la une de la science, Axel Villard aujourd'hui. Oui Mathieu, et quoi de plus simple que cette belle idée ? Sortez un télescope, installez-vous dans la rue et attendez. En quelques minutes, la magie opère et les passants curieux vont venir glisser un œil dans l'oculaire et contempler la Lune. Ce projet mondial qui se déroulera le 12 et 13 juillet prochain s'appelle On the Moon Again et c'est une initiative française. Imaginée par vous, Sylvain Boulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue à l'Université Paris-Sud et c'est aussi pour célébrer ce 50e anniversaire que vous avez eu cette idée originale. Alors, comment elle est venue cette idée au début ? Bah, tout simplement en faisant observer les gens dans la rue. En fait, depuis 2-3 ans, on sort le télescope sur les quais de Seine et on s'est rendu compte à quel point finalement la majorité des gens n'avaient jamais observé la Lune. Et juste d'un simple regard dans le télescope, eh bien un monde s'ouvre. Et vous l'avez entendu dans ces témoignages, bah, finalement les gens sont assez étonnés de voir la beauté de notre satellite qui est juste à côté de nous, juste en observant dans un télescope. Mais quelle est la différence entre regarder des images de la Lune et regarder la Lune dans un télescope alors ? Bah, tout simplement déjà quand vous regardez un livre de photographie lunaire, bon bah vous attendez à voir la Lune. Quand les gens passent dans la rue tout simplement, voient un télescope et là d'un coup ils plongent l'œil dans l'oculaire, et bien ils découvrent un monde et ils ne s'y attendaient tout simplement pas. Et donc évidemment, d'un coup, ils voient la lumière, ils voient les montagnes apparaître, ils voient les plaines lunaires, ils voyagent tout simplement, ils se retrouvent en orbite lunaire en un instant. Et on l'a vu aussi dans le reportage, on ne reconnaît pas tout de suite forcément le télescope, hein. Mais qu'est-ce que c'est que vous avez là ? Déjà, il faut expliquer ce qu'on a posé dans la rue quand même. Oui, c'est ça. En fait, la majorité des gens se baladent, voient un instrument, tournent autour, se demandent à quoi ça sert. Souvent, on se demande pourquoi il y a un télescope dans la rue. Et puis, en se rapprochant tout doucement, eh bien, ils apprivoisent le télescope. Et là, d'un coup, en apprenant qu'ils peuvent observer dans le télescope et se retrouver très proche de la Lune, c'est vraiment une surprise. Et dans la majorité des cas, eh bien, les gens sont fascinés par cette possibilité d'observer la Lune juste en descendant de chez eux. Alors le rendez-vous il est pris, c'est pour le 12 et 13 juillet. À quoi est-ce qu'elle va ressembler la Lune ce week-end-là, vendredi et samedi ? Alors le vendredi et samedi soir, on a choisi ces dates parce que évidemment les gens vont être dans les rues, peuvent s'il fait beau, voilà, ça va être un moment très agréable. La Lune sera une grosse lune gibbeuse, donc elle sera idéale. On va pouvoir voir des ombres au niveau entre l'ombre et la lumière de la Lune, et on va pouvoir aussi couvrir la Lune dans son ensemble, essayer de voir où se sont posées justement les différentes missions Apollo. Donc ça sera un jeu en même temps, et ça sera tout simplement un beau voyage, juste voir un beau paysage. Alors, est-ce qu'avec un télescope qu'on peut amener dans la rue, on arrive à voir les sites d'atterrissage d'Apollo ? On peut aller jusque-là ? Alors, non, bien sûr, on va pas voir les sites d'atterrissage, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on peut voir où se sont posées ces différentes missions, oui. Les différentes mers lunaires, les différentes terres lunaires, voir pourquoi on s'est posé dans ces différentes régions. Et ça, c'est fascinant parce qu'évidemment, ça nous fait tout de suite prendre conscience de la géographie lunaire, de finalement que c'est une petite planète suspendue au-dessus de nos têtes avec énormément de choses à voir. Et voilà, c'est tout simplement un beau voyage. C'est comme quand vous allez vous promener sur le terrain et puis là, vous vous arrêtez devant un beau paysage, une belle montagne, un beau canyon. Et bien, c'est la même chose qu'on propose à la majorité des gens. Sylvain Boulet, pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi simple que ça, montrer la Lune dans un télescope, est important tout de même aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une motivation derrière pour vous ? Bah, je pense que l'important, c'est de retrouver ce lien avec le ciel. Évidemment, il y a de nombreuses manifestations et on remercie notamment avec l'Association française d'astronomie qui organise tous les ans la Nuit des étoiles. C'est évidemment un rendez-vous extrêmement important en France. Mais finalement, il faut faire toujours la démarche pour aller dans l'observatoire pour observer. Alors que là, se retrouver au milieu d'une rue, eh bien, on va forcément faire découvrir notre satellite, les étoiles, à un public qui ne s'y attendait pas. Et donc, c'est finalement essayer de faire redécouvrir, voilà, ce lien au ciel, aux gens qui l'ont perdu un petit peu, parce que malheureusement, aujourd'hui, on perd ce lien, avec notamment la pollution lumineuse. Et donc, il faut que les gens puissent voir que c'est possible de retrouver ce lien avec la Lune, comme c'était le cas il y a 50 ans. Hein. Il y a 50 ans, près de 600 millions de personnes étaient derrière leur radio, leur télé, pour suivre ces premiers pas sur la Lune. Eh bien, durant ces 12 et 13 juillet, on a envie que tout simplement les gens redécouvrent cette Lune. Et donc, c'est très simple. Hein. Si vous avez un télescope, un vieux télescope, une petite lunette que vous n'avez pas sortie depuis 10 ans, eh bien, sortez-le du placard, installez devant votre maison et puis attendez que les passants viennent vous rencontrer. Ça sera de toute manière de belles rencontres et puis de belles observations. Et cet appel à télescope, il est international. Hein. D'ailleurs, on peut le voir sur votre site. Est-ce que vous avez déjà des passionnés du monde entier qui commencent à remplir les formulaires et à vous rejoindre ? Exactement. Aujourd'hui, on est il y a près de 400 événements dans 40 pays. Donc voilà, les inscriptions se multiplient. Évidemment, les Français sont invités à participer à cet événement, mais j'invite évidemment tous les auditeurs à en parler autour d'eux et aussi à leurs camarades à l'étranger, parce que évidemment, ça se veut une fête internationale. Il faut qu'on soit le plus nombreux. Je sais que aussi l'Association française d'astronomie a invité les clubs d'astronomie français à participer. Il faut que tout simplement, eh bien, il y ait le maximum de télescopes dans les rues pour observer voilà, cette grande fête lunaire internationale. Bon, on a retenu les dates en tout cas, Sylvain Boulet, 12 et 13 juillet prochain, Alain Siroux. Très bonne initiative. Bah, excellent. Hein. De toute façon, il y a un avant et un après la lunette de Galilée. Hein. C'est-à-dire que quand on a réussi à rentrer l'œil, si je puis dire, dans le ciel, à percer cette voûte étoilée et découvrir qu'il y avait des cratères, qu'il y avait des ombres, que c'est vivant. C'est-à-dire que ça vous arrive dans l'œil, c'est parti il y a un peu plus d'une seconde et c'est vivant. Et en plus, ce que propose Sylvain Boulet sera suivi d'une éclipse dans la semaine, qui n'est pas totale, mais de lune, éclipse partielle de lune, et qui là aussi va participer à une espèce de fête qui est regardez le ciel parce que ça change votre vision sur le monde et votre propre vision sur la Terre. Jacques Arnaud, on a perdu le lien au ciel. C'est une question que je peux poser autant aux théologiens qu'aux scientifiques. Hein. Bien sûr, enfin, on l'a perdu. En tout cas, on peut le perdre facilement, surtout aujourd'hui avec des soucis terrestres et vous en parlez ici très souvent et dont nous devons vraiment avoir le sens et la valeur, enfin l'intensité de ces soucis. Et en même temps, nous ne sortirons de nos soucis terrestres que si nous regardons un peu en avant ou si nous regardons de côté. Et la Lune est tellement attirante que c'est la première porte. Mmh. Après, au-delà... Bon, nous verrons bien, mais la Lune a toujours été la porte du ciel, depuis toujours. Accès à un site internet. Et oui, on le rappelle, onthemoonagain.org, et c'est pour participer à l'événement. Merci Sylvain Boulet, à très bientôt. Et Axel, on se retrouve demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, la force des vents, la hauteur des vagues qui augmente avec le réchauffement climatique. Ce résultat nous vient d'une analyse menée dans le monde entier. Il regroupe 4 milliards de mesures de vitesse des vents et de hauteur de vagues recueillies entre 1985 et 2018. En 33 ans, la force moyenne des vents océaniques a augmenté et cela devrait donc continuer selon les auteurs pour atteindre une hausse de 5 à 8% d'ici la fin du siècle. Des changements dont les conséquences sont encore floues, notamment sur l'absorption du CO2 atmosphérique dans l'océan et sur l'élévation du niveau des mers globales. Des couleurs dans les abysses, on pensait les poissons des profondeurs complètement aveugles aux couleurs, mais en analysant leur génétique, des chercheurs suisses et américains ont découvert qu'ils possédaient des bâtonnets encore inconnus dans leur rétine. Chez l'homme, comme beaucoup d'animaux terrestres, d'ailleurs, ce sont les cônes qui permettent la vision des couleurs, mais en conditions de très faible luminosité, il semblerait que ces nouveaux bâtonnets soient capables de capter différentes longueurs d'onde. Et puis, si vous avez appris le nom des Pokémon durant votre tendre enfance, votre cerveau en a sûrement gardé une trace, là, derrière votre oreille, vos Pikachu, Bulbizarre ou autres Psycho-Quack sont en quelque sorte gravés au milieu des chats, chiens et autres éléphants. Ce centre Pokémon dans le cerveau est normalement dédié à la mémoire des noms et images des animaux. Eh bien, les neuroscientifiques auteurs de ces travaux ont étudié des adultes fans et non fans de ce jeu vidéo. Ils leur ont présenté des images de Pokémon pour voir comment leur cerveau allait réagir. Plus les participants avaient joué jeunes et plus cette zone était importante dans leur cerveau. Voilà peut-être une zone dédiée à la Lune dans le cerveau, c'est ce qu'on va voir dans un instant avec nos invités. Les gens quand ils sont des uns. s'alléger de tous leurs tourments? Veulent-ils se laver de toutes leurs fautes? Veulent-ils retrouver la légèreté? Ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire, faire, faire l'amour. Faire, faire, faire l'amour. En simulant au cœur mon premier jour. Se jeter de tout du haut de la tour. Les gens quand ils sont dans les autres, quand ils sont peau contre peau, quand ils ont bien refermé la porte, se disent-ils des mots, des choses que l'on chuchote et qui font que la peau aspire la douceur de la phrase, la syllabe presque. Les gens, c'était mieux sec. La tête au carré, Mathieu Vidard. Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore. Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Car cet objectif servira à organiser et à donner le meilleur de nos énergies et de nos compétences. Parce que ce défi est celui que nous voulons accepter, celui que nous refusons de retarder et celui que nous avons l'intention de gagner, ainsi que les autres. Voilà, 1962, la voix de John Fitzgerald Kennedy, discours du 12 septembre pour parler des premiers pas sur la Lune. Ça s'est donc produit quelques années plus tard, le 20 juillet 69 et le 21 juillet pour la France métropolitaine. Neil Armstrong, Buzz Aldrin qui ont marqué plusieurs générations après avoir foulé donc le sol lunaire. Nous sommes donc dans cette année du 50e anniversaire. C'est le sujet de l'émission cet après-midi avec mes invités, l'historien des sciences Jacques Arnoux et auteur de ce livre donc La Lune m'a dit aux éditions du Cerf, et Alain Sirou, directeur général de l'Association française d'astronomie et auteur avec Jean-Philippe Ballas de cet ouvrage « Les hommes de la Lune » aux éditions du Seuil. Et vous nous rejoignez déjà avec vos messages et vos questions, peut-être même vos témoignages, vos souvenirs de ce mois de juillet 1969 en nous écrivant sur franceinter.fr. Alain Sirou, aujourd'hui 50 ans après ce premier pas sur la Lune, qu'est-ce qu'il reste à raconter finalement quand on décide d'écrire un ouvrage sur la question? Est-ce qu'il y a encore un peu de nouveauté à donner au lecteur? Oui, je pense toujours, le regard de l'histoire. Pour le compte, ça fait 50 ans, on a pénétré dans l'histoire. Et moi, quand j'ai voulu, avec Jean-Philippe Ballas, écrire ce livre, je voulais surtout raconter, finalement, ce que m'avaient raconté les hommes qui étaient allés sur la Lune et ceux qui l'avaient raté, parce que j'ai aussi rencontré les Soviétiques et, ouais, et Alexei Leonov, qui devait être le Neil Armstrong américain. Et je me suis rendu compte que, finalement, assez peu de gens, comme vous le disiez, se souvenaient d'Apollo. On se souvient bien sûr des noms d'Armstrong, d'Aldrin, mais après on ne sait plus, c'est confus et on a l'impression que c'est du passé et très lointain. Donc je me suis dit, il faut re-raconter cette histoire, avec le regard que nous donne maintenant l'histoire. Mm-hmm. Et puis surtout, j'ai appris des choses, beaucoup de choses. Là, on entendait Kennedy. Moi, j'ignorais que Kennedy avait tendu la main aux Soviétiques en continu, que par trois fois, il avait proposé à Khrouchtchev d'y aller ensemble en disant « La Lune, ça n'appartient à personne, c'est extraterritorial ». Unissons-nous. Ça voulait dire aussi réduisons un peu l'écoute, mais c'était une occasion, alors, pour le contrater, si je puis dire, d'aller ensemble sur la Lune. Et puis après, il y avait effectivement les personnages eux-mêmes, c'est-à-dire qui étaient ces hommes qui un jour, parce qu'il faut l'imaginer, vous vous levez le matin, vous regardez la Lune et vous dites, j'y vais. Qui a pu penser ça une seule seconde dans sa tête, penser que c'était crédible, faire ce voyage, revenir sain et sauf. Et ça, j'ai toujours trouvé ça, même 50 ans plus tard, extraordinaire. Ouais. Aujourd'hui, c'est Trump, finalement, qui se dit ça, non? Oui. Parce qu'il bouscule tout le monde dans sa volonté de retourner sur la Lune. Il bouscule, comme vous dites, sauf qu'il fait un peu comme les enfants gâtés, c'est-à-dire si j'ai pas mon gâteau, j'arrête de respirer. Donc on peut pas décider qu'on va sur la Lune d'un coup d'un seul. Il a fallu presque 10 ans entre le moment où Kennedy a posé ce challenge et puis l'arrivée, il a fallu beaucoup de moyens. Ouais. Il a fallu la mobilisation de 20 000 entreprises, 10 millions d'Américains qui, de près ou de loin, ont participé à cette aventure. Mmh. Et c'est ça qui est stupéfiant, quand même. Jacques Arnoux, ce discours de 62, là, de Kennedy, il est important, quand même, dans cette histoire. C'est rare dans l'histoire de la politique qu'un homme politique lance un tel défi, mais au-delà de ses échéances électorales. Il savait même pas qu'il serait assassiné. Un an plus tard. Et là, il dit avant la fin de la décennie. Donc d'abord ça, c'est assez extraordinaire. Et que un peuple entier le suive. Même après la disparition de son président. Ouais. On dit, le président l'a dit, on va le faire, et on l'a fait. Puis une fois que c'est fait, ok, on passe à autre chose. Ça, c'est clair que Apollo 11 était à peine rentré, je crois. Enfin, on voit dans les propos de Nixon qui, Alain Sion le raconte très bien que voilà, c'est la fin, c'est très clair, parce qu'on a rempli, mais on a quand même rempli la mission. Ouais. C'est assez singulier. Alors Jacques Arnoux, au moment justement des commémorations de ce 50e anniversaire, vous, votre idée c'était de faire un pas de côté, de pas raconter justement forcément ce premier pas sur la Lune, mais de voir finalement ce que ça nous avait apporté, nous, humains. Bien sûr. De pouvoir poser le premier pied sur une autre planète que la nôtre, C'est la question, et vous venez d'utiliser l'expression, le pas de côté. C'est-à-dire que Neil Armstrong parle d'un pas, un petit pas pour l'homme et un bond géant pour l'humanité. On pense immédiatement pas en avant, progrès, innovation. Et c'est vrai, jamais l'homme n'a été aussi loin dans l'univers, donc vraiment en avant. Et en même temps, c'est un incroyable pas de côté parce que nous sommes vus comme jamais auparavant. Et nécessairement, nous devons encore nous poser des questions. Ouais. Très souvent, nous entendons dire, c'est les photos de la Terre vue de la Lune qui ont provoqué le déclenchement de l'intérêt pour l'écologie. Pas tout à fait. Il y a une coïncidence entre les deux événements, puisque le printemps silencieux de Carson, c'est le début des années 60, pas la fin des années 60. Mais c'est vrai que grâce à ces missions Apollo, grâce à la toute dernière mission Apollo, au retour d'Apollo 17, enfin une image, d'un seul coup, quelques images de la Lune, de la Terre en entier. Il a fallu attendre 1972. Ouais. Et cette image est devenue l'icône de notre Terre et l'icône aussi du souci que nous avons pour cette Terre. Mais vous disiez tout à l'heure, finalement, c'est encore une sorte de miroir pour nous aussi, ce voyage lunaire. Mais est-ce que d'une certaine manière, parce que là, on est encore dans cette espèce d'anthropocentrisme permanent de l'humain, mais est-ce que ça nous a pas décentré justement aussi de notre condition, au fond, avec une sorte de vertige pour l'humanité? Alors c'est ce double mouvement, c'est à la fois effectivement un décentrement qui était prévisible. Tchaïkovski, début du XXe siècle, va dire la Terre est le berceau de l'humanité et personne ne reste tout le temps dans son berceau, donc nous allons nous décentrer, nous allons quitter notre berceau. En revanche, ce qui n'était pas prévisible, ou en tout cas peu prévisible, c'était ce retour sur soi. Je prends un tout petit exemple. Relisez les deux albums d'Hergé, Objectif Lune, nous avons marché sur la Lune. Il y a un moment donné, dans le deuxième album, une petite image où on voit les héros qui sont autour du télescope qui est pointé vers la Terre. Bon, voilà la Terre. Ouais. Pas de discours écolo. Tintin n'était pas écologiste dans cet album-là, donc avant les missions Apollo. En revanche, après les missions Apollo, là, c'est notre Terre. Déjà, Apollo 8, bien sûr, et puis c'est quelque chose qui est monté en puissance durant les années 60 et qui trouve évidemment son sommet avec Apollo 8, Apollo 11. Alain Sirou. Et ça a continué après Parce que finalement, les hommes ont tourné autour de la Terre pendant 40 ans. Après, on est parti de la Lune en décembre 72. Mais à chaque fois, on assiste au même paradoxe. Moi, ça m'a frappé avec Thomas Pesquet et avec tous les astronautes. Ils partent dans l'espace. Alors, tout le monde voit, ils partent dans l'espace, ils partent dans les étoiles, ils partent sur la Lune, ils partent vers Mars. Et qu'est-ce que nous envoient les astronautes ? Des images de la Terre. Des images de la Terre. Parce que c'est ce qu'on voit quand on est à 400 km, à 300 000, à 400 000. Et puis, ils reviennent écolo. Alors là aussi, c'est frappant. C'est-à-dire que... On entendra Thomas Pesquet tout à l'heure. Ils ont un discours derrière qui montre que tout d'un coup, finalement, la vue d'en haut change la vue parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Et ça, c'est propre à l'échappée belle qui est celle du voyage dans l'espace. On ne va pas loin, mais dès qu'on se retourne dans le rétroviseur, maman Terre. Est-ce que les enfants aujourd'hui sont sensibles, Jacques Arnoux, selon vous, à cette histoire lunaire, ou est-ce que finalement, depuis tout ce que la science-fiction d'ailleurs nous a offert, c'est un peu passé à la trappe quand même? Je crois qu'une partie de la réponse, Alain vient de la donner, c'est-à-dire que il suffit de voir l'engouement pour nos amis astronautes, vous venez de citer Thomas, ce côté quand même d'aller dans l'espace, dépasser les frontières immédiates, l'horizon terrestre, ça continue à nous fasciner, et c'est sans doute un tout petit peu inscrit dans nos cultures, sinon dans nos gènes. Évidemment, il y a après plein de questions qui se posaient déjà du temps des missions Apollo, le coût, le risque, mais qui dans l'ambiance de l'époque étaient un peu oubliées parce que l'enjeu, encore une fois, le discours de Kennedy, il faut y aller. Donc on oublie les questions. Aujourd'hui, la fascination, l'intérêt reste, mais les questions aussi, elles existent parce que effectivement, il y a aussi beaucoup de soucis sur Terre. Alors, que choisir ? Faut-il choisir d'ailleurs ? Paul nous écrit sur franceinter.fr, il nous dit ceci, 50 ans après, est-ce que la théorie du complot s'applique à l'alunissage, justement, à cette époque ? Quelle proportion de l'opinion publique croit encore qu'il n'y a pas eu une telle aventure Terre-Lune et que cela a été créé de toutes pièces, Alain Sirou ? Dès le départ, même avant que les hommes partent sur la Lune, on racontait déjà qu'il n'y irait pas ou qu'il n'y avait pas été ou que les fusées n'étaient jamais parties. Et moi, j'ai discuté avec Michel Enfrol qui présentait la télévision à ce moment-là avec Jean-Pierre Chapelle et qui m'a dit, à la fin de cette nuit extraordinaire, du 20 au 21 juillet, nous avions fait 12 heures de direct, j'ai franchi le pont pour rentrer chez moi, il y avait un café d'ouvert, et là, il y avait attablé au comptoir quelqu'un qui m'a dit, tout ça, ça marche pas, c'est que des bêtises. Et déjà, il y avait ça, donc j'avais un voisin paysan qui me disait, mais ils sont jamais allés sur la Lune, mais pourquoi ? Parce que là-haut, il n'y a pas d'épicerie. C'est clair, c'est net, il n'y avait pas à manger, donc comment voulez-vous ? Donc cette idée que finalement on n'avait jamais été sur la Lune est une récurrence ancienne qui a été nourrie par quelque chose de beaucoup plus, je dirais, insidieux, qui est que finalement, c'est une des bases fondatrices de l'Amérique des années 60, donc du 20e siècle. C'est-à-dire, ils ont battu les Soviétiques, et pour les Américains, c'était d'abord ça. Et... laisser penser que ça n'est peut-être pas vrai, c'est essayer de fendre le pilier. C'est essayer de casser ça. Et on a trouvé des arguments en disant, oui, mais ça a été filmé par Kubrick, qui était proche de la NASA, etc. Et la femme de Kubrick disait, écoutez, il était tellement exigeant, Stanley Kubrick, que si on lui avait demandé ça, il aurait demandé à ce que ça se passe sur la Lune pour être réel. Ouais. Donc, vous voyez... ça a valu quelques distributions de coups de poing de la part de Buzz Aldrin, d'ailleurs. Oui, qui maintenant a une réponse beaucoup moins virile, mais qui est aussi efficace et qui dit, on n'a pas été sur la Lune, demandez aux Soviétiques. I'm alone, but I feel in the summertime and the fall, in the spring when the house is dark, doesn't bother me at all. I know it's in the light, the shadows start to move, there's a hurt. Running from everyone. Mais c'est son retour avec un nouvel album. Vous avez reconnu la voix de Norah Jones. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, Alain Siroux et Jacques Arnoux sont mes invités pour parler du 50e anniversaire du premier pas sur la Lune. Jacques Arnoux avec ce livre « La Lune m'a dit » aux éditions Serre. Et puis « Les hommes de la Lune au seuil » pour Alain Siroux avec Jean-Philippe Ballas. Beaucoup de commémorations vont se dérouler là, Alain Siroux, a priori. Oui, partout, ouais. Absolument partout. Je pense qu'il y a, je dirais, les commémorations autour de la Lune. Et puis c'est l'été quand même. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de l'observation de la Lune, il y a une éclipse, il y a les nuits des étoiles qui arrivent. Ouais. Il y a toujours et de plus en plus chaque été l'idée que il faut pas perdre le lien avec le ciel parce que justement c'est l'autre partie du monde et cette partie du monde là elle nous parle de nous et nous oblige à penser le monde autrement et globalement en particulier, ce que dit Jacques Arnoux. Un message de Patrice sur franceinter.fr. Après un demi-siècle de conquête spatiale, hormis le climat délétère sur fond de guerre froide, quelle a été et quelle serait la démarche la plus pertinente finalement avec ces voyages? La concurrence entre nations, incitatrice de recherche et de découverte, ou la coopération des nations, voire le public-privé? Jacques Arnoux, qu'est-ce qu'on peut répondre à Patrice? Nécessairement les deux esprits, compétition et coopération. Rappelez que déjà en 61-62, Kennedy, tout en lançant son pays dans la course à la Lune, en même temps a proposé à plusieurs reprises aux Soviétiques de coopérer. C'était pour des questions de coûts et de partage des technologies, mais aussi parce que, et ses discours le précisent, il avait quand même le désir de faire de l'espace autre chose qu'un nouveau terrain de guerre. Ouais. Donc pourquoi pas un terrain de coopération? Alors ça n'a pas marché au moment de la course, c'est resté effectivement une course, avec un vainqueur qui a planté son drapeau au sommet. Bon, très bien, ça c'était la compétition. Et il faudra attendre 75, Apollo Soyuz, donc la fin du programme Apollo et le début, enfin un peu plus que le début du programme Soyuz, pour que ces deux pays commencent à coopérer. Il faut du temps, peut-être aussi parce que la Lune est arrivée, l'arrivée sur la Lune est arrivée très très vite. Là encore, nous l'avons entendu tout à l'heure avec Kennedy. Il faut y aller sans attendre. Enfin, il accordait une toute petite décennie. Et aujourd'hui, ou quelques décennies plus tard, quelqu'un comme Clark disait peut-être que nous sommes allés trop vite sur la Lune. Et c'est pas tout à fait fou comme remarque. Mais ils y sont allés. Voilà. Mais ils y sont allés. L'histoire est là. Absolument. Et la coopération est arrivée un peu plus tard. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes dans cette double, ces deux moteurs, aujourd'hui encore, de coopération et de compétition. Mais Alain Siroux, quand Trump, justement, exige qu'on aille sur la Lune très très rapidement, là aussi, il bouscule finalement le calendrier de la NASA d'une façon assez violente. Hein. Ah bah oui, absolument. D'abord, c'est très violent parce que il dit, je ne comprends pas. On peut pas aller sur la Lune maintenant alors qu'on y a déjà été. Et puis qu'est-ce que vous faites? Et en fait, la NASA, depuis quelques années, depuis finalement la fin du programme Constellation qui était celle de Bush, où on devait aller sur Mars, Obama avait dit, on fait une pause, on regarde, on mesure les technologies, etc. Mais en même temps, vous savez, ces courses-là, c'est aussi des industriels qui ont besoin de contrats. C'est une machine qui continue à tourner, donc il y a une fusée qui est presque disponible, qui s'appelle la SLS. Et voilà, elle est presque là, sauf qu'elle n'est pas de destination. Mais c'est des machines qui mettent du temps à se mettre en route. Et si Trump veut ça pour la fin de son second mandat, le patron de la NASA. Off, dit toujours, pourvu qu'il soit pareil. Ouais, exactement, ouais. Le choix de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin pour mettre justement les premiers pas sur la Lune, ça s'est fait comment? Dans la douleur, si je puis dire. Non, pas vraiment, mais en fait, c'est le troisième larron, Collins, qui tournait en orbite, qui les qualifiait d'aimables étrangers. En fait, ce sont des personnalités complémentaires, mais très différentes. Quand on regarde Neil Armstrong, c'est un personnage hors du commun. Vous dites c'est le Yuri Gagarin américain. Alors même, c'est le Yuri Gagarin américain. Oui, parce que c'est il est plutôt sympathique d'approche. Il a toujours un grand sourire. Il est aimable. Et c'est surtout quelqu'un qui a une approche du ciel. C'est un aviateur. Ouais. C'est quelqu'un qui aurait dû toujours voler et jamais se poser sur Terre. Et s'il y a dans Neil Armstrong quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, il est tout à fait exceptionnel parce qu'il a survécu de nombreuses fois à la mort, dans des accidents d'avion, dans des accidents d'entraînement. Et c'est quelqu'un qui est parfaitement zen. Alors que, Aldrin, c'est un personnage... C'est l'excité de service quand même. Hein. Pardon ? Aldrin, c'est un peu l'excité de service quand pas même. Pas seulement, c'est aussi un ingénieur qui est sans doute un des plus compétents dans le domaine du rendez-vous spatial, mais qui est tellement antinomique avec Armstrong que... Et qui voulait absolument poser le premier pied. Bien sûr, être le premier. Hein. Sa femme disait de lui que s'il était éboueur, ça serait le meilleur ramasseur d'ordures des États-Unis. Donc c'est un challenger, ce qui n'est pas du tout Armstrong, qui plutôt est quelqu'un de consensuel, qui rassemble et qui a plutôt tendance à essayer de faire que ce soit une œuvre collective. D'ailleurs, il se présentait comme ça en disant « Je ne suis pas le premier homme à avoir été sur la Lune, je suis celui qui était au sommet de la pyramide. » N'empêche que, quand on le rencontrait, on avait quand même l'impression de rencontrer le pape, parce qu'il n'y a qu'un seul pape. Ouais. Jacques Arnoux est d'accord. Là, il n'y a qu'un seul pape des papes, parce que c'est, voilà, il est le premier et il restera toujours le premier. C'est ça qui est très impressionnant. Et c'est ce que disait Alain tout à l'heure. Vous imaginez, regardez la Lune et demain, je serai le premier à poser le pied. Normalement, si tout se passe bien, il faut quand même c'est pas un goût du risque, mais un esprit particulièrement bien agencé pour se dire, ça vaut la peine d'y aller. On va revenir à l'alunissage, justement, le 20 juillet 69. Et puis la voix de Buzz Aldrin, beaucoup plus tard, en 2009, c'est Stéphane Combe qui l'avait rencontré à l'occasion d'une rencontre à Paris. Houston appelle. Houston. Altitude du LEM, 7500 pieds. Atterrissage dans 3 minutes 32 secondes. Go. Control. Go. Sur l'ordinateur, je pouvais lire des chiffres. Et Neil Armstrong pouvait lire sur la fenêtre une échelle en degrés. En comparant les deux échelles, cela nous donnait une idée de l'endroit où l'ordinateur voulait nous faire alunir. Et Neil pouvait corriger en manuel avec les commandes en fonction du sol qu'il voyait à l'extérieur. Là, je me souviens, j'ai dit qu'il restait 60 secondes et nous étions à 300 mètres d'altitude et il ne nous restait pas beaucoup de carburant. 60 secondes. Ça, c'est sans doute le cratère au-dessus duquel nous sommes passés. À ce moment-là, je regardais les instruments et les chiffres qui défilaient. Nous ne voulions pas alunir sur ce cratère, mais un peu plus loin. Voilà, Alain Sirot, l'alunissage, c'était un moment quand même assez surréaliste. Alors, c'est stupéfiant, on a toujours des frissons quand on regarde et qu'on voit ce qui s'est passé, parce que d'abord, nous n'avions que le son. Il n'y avait pas de caméra à bord du module lunaire, donc nous n'avions que le son et on avait du mal à comprendre ce qui se passait. On sentait juste que ça se tendait. Armstrong était aux commandes, c'était censé être l'ordinateur qui devait poser le LEM à la surface. Sauf que Aldrin avait fait une manœuvre qui avait saturé l'ordinateur d'informations. Et l'ordinateur s'est mis à bugger. C'était un des premiers ordinateurs. Il y avait des alarmes qui retentissaient. Et déjà, quelques kilomètres au-dessus, 14 kilomètres, je crois, avant de se poser, l'ordinateur a envoyé des alarmes. Et très rapidement, la NASA a dit, vous pouvez y aller, c'est une saturation, mais vous pouvez y aller. Et ils sont descendus tranquillement. Armstrong tenait le manche pour piloter le LEM, qui est quand même un drôle d'engin. Imaginez une araignée avec un sac à dos. C'est à peu près ce à quoi ça ressemblait, une espèce de scarabée un peu fou. Les pieds en l'air d'abord, et puis ensuite la descente normale. Aldrin était, on l'entend justement, à donner des informations sur la vitesse, sur la quantité de carburant qui reste à bord. Il restait pratiquement rien. Et tout d'un coup, Armstrong se rend compte qu'il n'est pas là où il devait être. Ils étaient non pas perdus, mais ce qu'ils avaient vu comme image de là où ils devaient atterrir n'était pas ce qu'il y avait dans le hublot. Et ils étaient en réalité, on le sait aujourd'hui, à 7 km de là où ils devaient se poser. Et Armstrong a fait quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Il s'est comporté en pilote. Il a stoppé le système automatique. Il a pris en main la direction des opérations et il s'est mis à survoler le sol lunaire tranquillement, un peu comme une libellule qui va se poser sur une feuille à la surface d'un étang, vous voyez, très doucement. doucement en sachant qu'il ne lui restait plus qu'une minute de carburant. Et tranquillement, doucement, alors qu'on n'avait jamais vu ça, ça n'avait jamais été répété, c'était impossible. Alors il s'est approché doucement d'un endroit qu'il a repéré où il y avait le moins de cailloux possible. Et là, tranquillement, toujours avec le cœur qui battait à 145-150 de pulsations, alors il s'est posé tranquillement sur la mer de la tranquillité à la main, comme un pilote voulait et devait le faire. Voilà, magnifique désolation, déclare Buzz Aldrin, hein, parce qu'il y a eu le petit pas pour pour l'homme, mais le grand pas pour l'humanité d'Armstrong. Mais il y a eu aussi cette phrase de Buzz Aldrin. Jacques Arnoux, on peut imaginer évidemment ce moment très intense pour ces deux hommes, même Collins, hein, parce que même s'il n'est pas le pauvre, aller mettre le pied sur la Lune à ce moment-là. Mais est-ce que finalement ils ont réalisé vraiment ce qui se passait, ou est-ce qu'il y avait trop de concentration là sur les opérations pour pouvoir s'inscrire dans quelque chose d'unique? Je ne sais pas si on leur a posé la question, mais en revanche, quelques années plus tard, un auteur de science-fiction s'est posé cette question-là et a imaginé un très beau livre dont le titre français est « Les larmes d'Icare » où il imagine donc un de ces astronautes des missions Apollo qui, en fait, n'est jamais vraiment revenu. Parce que tant ce qu'il avait vécu était, alors à la différence de l'alunissage que Canin vient de nous raconter, tout s'était passé comme à l'entraînement. Et quand il est revenu, il dit, mais au fond, quelle est la différence entre un entraînement et ce que j'ai vécu? Et donc, tout le propos de ce très beau roman est un retour, non pas sur Terre, enfin, quelque part, un retour sur soi et sur Terre. Ouais. Et c'est vrai que c'est la question que l'on peut encore poser aujourd'hui, où nous avons tellement de manières de simuler. Mais le récit d'Alain sur l'alunissage montre bien que une chose sont les simulations. Ouais. Et puis, qui sont très longues, d'ailleurs, dans la vie d'un astronaute. Hein. Il passe beaucoup plus de temps, mais également aujourd'hui dans la vie d'un pilote. Et puis, la capacité d'intégrer petit à petit dans l'expérience de terrain, si je puis dire, ou d'air, ce qu'Alain nous a raconté, qui est, excusez-moi l'expression, mais j'ai quelques amis pilotes, on pilote avec ses fesses. Alors là, il n'y avait pas de siège, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire, cette capacité intégrée de voir et de se poser sur un sol qui n'a jamais encore été touché. C'est ça. La prochaine fois que vous allez en avion, surtout si il n'est pas très grand quand même, dites-vous, regardez ce qui se passe autour de vous. Si vous avez le pilote à côté de vous, vous verrez que c'est jamais facile. C'est toujours une première. Et là, c'était la première des premières. Je pense qu'en termes de tension, c'était peut-être 140 pulsations, mais c'est encore plus que ça. Alors aujourd'hui, nous le racontons, mais prenons le temps de nous dire, c'est jamais depuis, et ça faisait longtemps, que l'humain n'avait pas posé la première fois le pied quelque part. Là, avec une capsule autour. Mais là, l'humainement très, très, assez tendu. Et vous dites d'un seul coup, notre horizon a changé. Ah oui. On verra également d'un point de vue philosophique pourquoi avec vous. Dans un instant, on parle du 50e anniversaire des premiers pas sur la Lune. Alors il paraît qu'un jour comme ça, on va mourir, comme ça on va partir. Et le monde va continuer à tourner. Les gens ne vont rien faire, ils vont juste rester chez eux. Alors il paraît qu'un jour comme ça, on va revivre, oublier le passé et ne plus y penser. Une autre histoire recommencer. Certains disent que l'on vit plusieurs milliers d'années, d'autres que l'on s'envole au milieu des nuées. J'ai la tête dans les nuages et le monde à mes pieds. Je n'ai que faire de mon âge, sauf au mois de juillet. J'ai le cœur sous les étoiles et ne sais faire que râler. Je pourrais bouger davantage, mais personne n'est parfait. Alors il paraît qu'un jour comme ça, on va mourir, comme ça on va partir, ne plus se réveiller, de notre corps se détacher. On sera tout nu, on aura un peu froid, on se sentira seul, un ange viendra nous réchauffer. Ah. personne ne nous verra, on sera tout perdu, tout le monde sera là, certains vont pleurer, c'est pas grave. Personne n'est parfait. C'était Mickey 3D. La tête au carré. Allez, Jacques Arnoux et Alain Siroux, nos invités cet après-midi dans la tête au carré pour parler du 50e anniversaire. Ce sera donc bien sûr en juillet prochain, des premiers pas sur la Lune. Et Jacques Arnoux, dans votre ouvrage La Lune m'a dit, vous dites que finalement, d'un seul coup, notre horizon a changé, mais qu'également, on a réalisé l'un des plus anciens rêves de l'humanité. Et vous renvoyez à Kepler à ce moment-là, au XVIIe siècle. Bien sûr, parce que Kepler... Nous évoquions tout à l'heure le télescope de Galilée, c'est une chose. Et l'une des conséquences également évoquées, c'est voir ces collines, ces montagnes, ces plaines lunaires. La conséquence de qu'a posé alors à ce moment-là des collègues, qui était Johannes Kepler, mais il dit, mais donc la Lune n'est pas un miroir lisse, c'est pas un objet parfait. Finalement, elle ressemble à la Terre, donc la Terre est une planète comme une autre. Mmh. Conséquence, eh bien, nous quittons cette représentation héritée des anciens dans laquelle le ciel parfait nous était inaccessible, parce que nous sommes des êtres imparfaits. Personne n'est parfait, on vient de l'entendre. Personne n'est parfait, mais le ciel non plus n'est pas parfait. Ouais. Donc Kepler dit, eh bien, demain, nous irons naviguer dans le ciel. Mais vous dites, c'est l'acte de naissance de l'aéronautique. C'est l'acte de conception. Vous voyez, parce que la naissance, c'est 1957, Spoutnik. Mais l'astronautique a été conçue en avril 1610, donc trois siècles et demi auparavant. Kepler qui dit, nous irons demain. Il y aura des navigateurs suffisamment audacieux, donc ils ne pouvaient pas savoir que c'était des gens comme Gagarine, comme Armstrong ou Aldrin. Eh bien, ils auront affronté cette océan qui Comme on affronte, nous sommes au XVIIe siècle, les mers à ce moment-là pour découvrir la Terre. Mais c'est important parce que jusque-là, c'était interdit. Ouais. On pouvait même pas y rêver. Si y rêver, là encore, comme la chanson précédente, après ma mort, si je suis un être parfait, mon esprit peut-être ira rejoindre les dieux. Et là, Armstrong, Aldrin ne sont pas des... Enfin, ils sont des dieux. Oui, on parle de dieux, mais non, c'est des terriens comme nous. Des héros, en tout cas. C'est des héros. Ouais. Eh bien, les héros vont dans le ciel. Alain Siroux. Moi, ce que j'adore, c'est les voyages dans la Lune, comme ce que raconte Jacques, c'est-à-dire le décentrage. On regarde la Terre, hein, déjà, à l'époque de Kepler. Mais dans Cyrano de Bergerac, il y a un personnage qui a des fioles autour de la ceinture, avec dedans des gouttes de rosée. Et les gouttes de rosée sous le soleil s'évaporent et lui permettent de flotter et d'atteindre la Lune. C'est un très beau motif de voyage et c'est une façon effectivement... Ça n'a jamais cessé d'ailleurs depuis Kepler, hein, l'imagination effectivement des écrivains. Fiction scientifique. Absolument. Pierre demande sur franceinter.fr, pour quelle raison l'exploration de la face cachée de la Lune semble-t-elle plus délicate que celle de la face visible ? À cause des communications, tout simplement parce qu'il faut des relais. Et effectivement, ce qu'ont fait les Chinois récemment pour pouvoir permettre à ce qu'une sonde automatique se pose sur la face cachée, c'est d'abord d'installer des relais. Donc dans l'idéal, l'objectif pour pouvoir visiter l'ensemble de la Lune, c'est d'installer une sorte de GPS lunaire qui permettrait d'avoir une lunolocalisation constante et en même temps de pouvoir transmettre les communications. Et puis la face cachée est peut-être un peu plus compliquée parce qu'elle est plus cratérisée et c'est pas toujours très simple, je pense, de trouver des endroits faciles pour se poser. Et Tiffaine qui demande pourquoi ne pas revenir sur les lieux de la lunissage pour un reportage en envoyant une sonde ou un drone pour aller filmer un petit peu ce qu'il en reste. Ouais, c'est une bonne question qui est discutée pour savoir si on sanctuarise le site d'Apollo 11. Est-ce que ça ne devrait pas être, quelque chose qu'on garde pour le futur en sachant que c'est un symbole pour l'humanité. Ouais. Est-ce qu'on peut préserver un beau projet pour l'UNESCO, un patrimoine humain qui ne soit pas terrestre. On dit d'ailleurs que... Ce serait le premier ? Oui, ce serait le premier. Ouais. Avec fait, je veux dire, en même temps, un patrimoine qui était vraiment issu d'un travail, du génie humain. Ouais. Et on dit parfois que si l'humanité disparaissait de la Terre, eh bien, les vestiges qui survivraient seraient sur la Lune ou sur Mars, où là, bon, pour des raisons simplement physiques, ils seraient beaucoup préservés pour, peut-être pas pour l'éternité, mais pas loin. Alain Siroux, dans cet ouvrage Les Hommes de la Lune au Seuil, alors là, vous avez aussi donné la parole à tout un tas de personnalités pour savoir, en 69, ce qui qu'ils ont éprouvé au moment de l'alunissage. Hein. Oui, parce que comme c'était un événement mondial avec Jean-Philippe Ballas, ce qu'on a voulu faire, c'est questionner des écrivains, des musiciens, des explorateurs, des hommes politiques de l'espace pour qu'ils nous racontent ce moment, leur 20 juillet à eux. Et c'est vrai qu'on entend des gens comme Quincy Jones qui discutent avec Frank Sinatra au moment où on entend Fly Me to the Moon sur la Lune. Absolument. Mais il était vraiment en direct. Ou John Baez, Bertrand Piccard, Hubert Reeves, Danny Cohn-Bendit, un an après mai 68, où il était, qu'est-ce qu'il faisait. Et il y a de très belles photos dans cet ouvrage. On en voit une d'ailleurs de Neil Armstrong qui est en train de faire l'empreinte de sa chaussure lunaire, mais beaucoup plus tard, évidemment. Oui, parce que là aussi, c'était une autre époque. C'est-à-dire, encore une fois, n'oubliez pas que il y avait la guerre au Vietnam, que c'était Woodstock aux États-Unis, que on n'avait pas le téléphone portable, les ordinateurs n'existaient pas. C'était un autre monde, et ça fait bizarre de se dire que ça fait 50 ans, c'était hier, et en même temps, c'est déjà l'histoire. Allez, on va écouter la voix de Thomas Pesquet pour terminer. Lorsqu'il était dans l'ISS en avril 2017, évoquait justement son regard sur la Terre et évidemment l'aspect écologique de ce regard. Quand on est en orbite et qu'on voit la Terre, on voit à quel point elle est fragile. On a une mince couche d'atmosphère qui contient toute la vie qu'on connaisse à des millions d'années-lumière, qui est vraiment très très fine et très très fragile, qu'on abîme un peu tous les jours en la polluant, et ça on le voit depuis l'espace. Et puis surtout, on voit que la Terre, c'est une grande unité, on voit pas de frontières, on voit pas de langues différentes, on voit pas de rivalité depuis l'espace. On se dit qu'on est un peu tous à bord du même bateau. Ben nous, on est dans une station spatiale avec des ressources limitées, avec des gens, mes collègues qu'on n'a pas forcément choisis. On est obligé de bien s'entendre, on est obligé d'économiser nos ressources et de bien entretenir cette station spatiale, parce que sinon le vol va s'arrêter très très vite et personne n'a envie que ça se passe comme ça. Sur Terre, au final, c'est la même chose. La Terre, c'est jamais qu'un vaisseau spatial, tu sais, avec des ressources limitées, avec un équipage qui est vous, qui est tout le monde, qui n'a pas choisi d'être là, qui n'a pas choisi de ses voisins, mais on n'a pas d'autre choix que s'entendre et puis de prendre soin de notre vaisseau spatial, la planète Terre, pour que le voyage dure aussi longtemps que possible. Voilà, Jacques Arnoux, justement, dans votre ouvrage, hein, vous parlez de ces images que vous avez en tête de Thomas Pesquet et aussi de son souci de faire partager l'état alarmant de la planète aujourd'hui. Voilà. Hein. Mais il suffit pas de l'écouter. Enfin, un autre de ses collègues, Jeff Hoffman, bien avant, était un astronaute de la navette. Il avait volé plusieurs fois et il disait très justement, bon, c'est très sympa. On vous ramène des images, on vous dit des choses. Et maintenant, relevez vos manches parce que il y a du travail. Hein. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, l'image du vaisseau spatial, qui est une image très souvent utilisée, et Thomas l'a utilisée, est à la fois très juste et en même temps, potentiellement dangereuse, parce que il faut voir d'où elle vient, cette image, et la question, c'est la question de la gouvernance, comme très souvent les questions spatiales, c'est-à-dire comment nous allons apprendre ou continuer à apprendre à ensemble gérer tout cela, et en gardant, c'est là que la très belle image, il n'y a pas de frontières, etc., n'est pas tout à fait vrai. Sur Terre, il y a bien des frontières, mais ces frontières sont là pour marquer aussi des différences et des complémentarités. Vous parliez des deux personnages qui étaient Aldrin et Armstrong, ils étaient différents, et c'est comme ça qu'ils sont aussi posés sur la Lune. Donc, n'ayons pas peur de nos frontières, n'ayons pas peur de nos différences, mais ayons un même objectif. Et c'est ça qui est essentiel. Nous voulons aller sur la Lune. Ça, c'est ce qu'avait dit Kennedy. Voilà l'objectif. Marc nous dit justement au sujet du troisième homme de juillet 69. Oserais-je vous rappeler que le troisième homme resté en orbite aurait eu à remettre le cap vers la Terre si ses deux compagnons de route n'avaient survécu à un crash sur la Lune. Quelle mission, quel courage d'accepter d'être celui qui Collins, en l'occurrence. Qui est toujours vivant et qui se souvient que finalement il aurait pu rentrer tout seul au moment même où le président des États-Unis Nixon avait préparé un discours où ça se passait mal en abandonnant, en constatant tout simplement que les hommes restaient sur la Lune. Donc il y a toujours cette part de risque qui est assumée, qui est très difficile à quantifier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ça avec la technologie de l'époque, on se dit, bon, d'abord, le courage pour y aller, mais certains astronautes ont reconnu qu'ils se rendaient compte qu'ils partaient vers la Lune au moment où ils mettaient le pied dans la fusée. Vraiment. C'est-à-dire au dernier moment, en se disant, mais c'est vrai, on y va vraiment. Et puis, il y a quand même, effectivement, ce souffle qui est celui de l'exploration, de l'épopée qui pousse à un moment donné à y aller au risque de sa propre humanité. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Donc beaucoup de commémorations jusqu'au 50e anniversaire en juillet prochain. En attendant, on peut lire La Lune m'a dit aux éditions du Cerf, Jacques Arnoux. Ce livre, vous le signez. Et puis également Les Hommes de la Lune. Beaucoup d'iconographie également dans cet ouvrage. Au seuil, Alain Sirou avec Jean-Philippe Ballas. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.